Vous écoutez France Culture. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que c'était? C'est... Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots. De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu. Avec la langue. Oh, je sais plus. Je pensais que vous disiez que nous parlions en japonais. Avec la langue. Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Midia Portis-Guérin. Alors avant, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois. Linguam nostram, in qua nati sumus. Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde. Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison. Nous connaissions le Victor Hugo de la préface de Cromwell, 1827. La poésie a trois âges, dont chacun correspond à une époque de la société. L'ode, l'épopée, le drame. Les temps primitifs sont lyriques, les temps antiques sont épiques, les temps modernes sont dramatiques. L'ode chante l'éternité, l'épopée solennise l'histoire, le drame peint la vie. Fermez les guillemets. Voici Thierry Maugenet, des rillettes de Proust et autres fantaisies littéraires. 2010, 50 fiches conseils qui vous permettront, à votre tour, d'obtenir le label grand écrivain, en un seul mot et avec un T. Publié chez JBZ et compagnie, éditeur fixé au Batignolles, 38 rue de la Condamine, dans le 17e arrondissement de Paris, vendu 12,95 €, cet opuscule de 110 pages, non massicoté, qui nécessite donc, de prime abord, un bon coupe-papier, se lance d'emblée dans un éloge du copier-coller aux vertus euphorisantes. Si l'inspiration se fait désirer, ne l'attendez pas. Allez dans votre bibliothèque et copiez les premiers mots des romans de votre choix. Avec beaucoup de patience et un peu de chance, vous écrirez une œuvre cohérente, à moindre frais. Fermez les guillemets. Thierry Maugenet, vous êtes l'auteur de cette pochade furieusement pédagogique. Vous nous parlez en duplex depuis Aix-en-Provence. On vous trouve rarement au nord de la Loire, semble-t-il. Et ma première question, qui n'est pas un reproche, qu'émandera quelque éclaircissement de votre haute bienveillance née en 1964 ? Pourquoi ne pas avoir utilisé le tutoiement au lecteur qui n'eut point déparé dans votre manuel funambulesque et farfelu ? Qui n'eut point déparé, c'est vous qui le dites, parce que justement, ce livre, on ne va pas parler du fond, mais tout de suite de la forme, de l'objet livre, c'est quand même un livre qui est une réaction au livre électronique. C'est un livre à l'ancienne, sur papier velin, dans le format habituel des années, j'ai envie de dire carrément du 19e, début du 20e siècle, non massicoté, vous l'avez précisé. Et là, la police même de caractère est une police qu'on utilisait au début du XXe siècle. Donc, il me semble que le vouvoiement était de rigueur. Ah, mais alors, objection, votre honneur, car le tutoiement, regardez l'avertissement au lecteur de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, aurait été parfait dans la lignée du XIXe siècle, de la police, de la mise en page. Je ne parlais pas de ce tutoiement électronique que vous avez aussitôt compris, SMS et que sais-je encore, je parlais de cette façon presque ancienne et archaïque de s'adresser au lecteur en le tutoyant. C'est bien pour ça que je vous en parlais. Oui, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Oui. Effectivement, écoutez, en tout cas, je retiens votre objection, votre honneur pour le second tome de ces rillettes. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie, Thierry Maugenet, d'apporter votre pierre qui ressemble à un pavé dans la mare? Oui, en fait, au départ, il y a surtout une passion pour la littérature qui remonte à mon plus jeune âge. Et ce livre aurait très bien pu s'appeler « Mémoire d'un lecteur curieux » ou « Anti-anthologie », puisque c'est la mode, les anti-manuels, une anti-anthologie de littérature. Vous savez, depuis une trentaine d'années de lecture assidue, j'ai noté dans ma mémoire, plus tard sur des disques durs, dans des carnets, toutes les singularités littéraires, comme disait Madame de Sévigné, toute chose singulière me réjouit. Et voilà, un beau jour, j'ai décidé de compiler toutes ces singularités, toutes ces aberrations, ces embrouillamini, ces éclairs de génie, comme ces magnifiques gamelles littéraires, dans un petit ouvrage. Alors, il y a effectivement des collections, et puis il y a aussi des interventions de votre cru, Thierry Mogenet, notamment quand vous voulez chasser l'adverbe, qu'est-ce que vous faites? Vous expliquez que, comme c'est inélégant, eh bien vous donnez le contre-modèle. Voilà, en fait, je suis assez iconoclaste, irrévérencieux par rapport à mes glorieux aînés littéraires, puisque je ne suis jusqu'alors qu'un modeste écrivain. Mais quand je chasse l'adverbe, comme vous dites, c'est à visée pédagogique. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire longuement qu'il est assez lourd d'utiliser trop d'adverbes, de surcharger sa prose ou ses vers d'adverbes, je préfère donner un exemple, certes irrévérencieux, mais en tout cas terriblement efficace. Je rajoute quelques adverbes à un poème très célèbre. Bon, j'ai choisi ma bohème de Rimbaud. Et plutôt que de pontifier, je pose simplement la question, est-ce que le texte va y gagner? C'est-à-dire que, est-ce que la bohème de Rimbaud serait un poème plus réussi si je l'écrivais ainsi? Je m'en allais spontanément, les poings dans mes poches indéniablement crevés. Mon paletot aussi devenait absolument idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais indéfectiblement ton féal. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est un tout petit peu moins bien. D'ailleurs, vous avez oublié un des adverbes parfois rajoutés. J'allais lentement sous le ciel. Écoutez, je cite de mémoire, en fait. D'accord. Excellente mémoire. Mais effectivement, vous avez comme ça parsemé, ce poème qui ne s'en relève pas, du coup. Non, qui ne s'en remet pas tout à fait. Moi, ce que j'aimais beaucoup, justement, en écrivant les rillettes de Proust, c'est changer parfois enlever une toute petite pierre à un édifice littéraire, aussi grand soit-il, comme La recherche du temps perdu ou Madame Bovary, et on s'aperçoit qu'une œuvre littéraire, ça n'est pas du tout comme un immense bâtiment où, à la limite, on pourrait enlever un petit gravier et le tout tiendrait encore. Non, pas du tout. Il suffit simplement de remplacer les prénoms dans Madame Bovary, remplacer Emma par Loana et remplacer Rodolphe par Ricky. Et vous avez le pire roman de gare alors qu'on est dans Flaubert. Je ne change pas une seule virgule, tout le texte. Et je réécris simplement le texte en changeant les prénoms. Et on se rend compte qu'une œuvre littéraire ne tient à pas grand-chose, en tout cas. Thierry Mogenet, dans vos rillettes de Proust, le titre du reste, vous pourriez l'expliquer? C'est tout à fait dans la lignée, justement, iconoclaste et pédagogique en même temps, de modifier, de changer un tant soit peu un détail littéraire pour s'apercevoir que l'édifice s'écroule. Donc après avoir passé à ma sauce Flaubert et sa Loana et son Ricky, je me suis dit que finalement, peut-être une des plus grandes œuvres mondiales de la littérature, un grand pilier de la littérature mondiale, La recherche du temps perdu, il suffisait simplement qu'on échange la fameuse Madeleine par une tartine de rillettes et l'ensemble s'écroulait. Et bon, pour faire bonne mesure, je me suis dit aussi qu'on pourrait remplacer la tasse de thé par un boc de bière. Et ça donne quelque chose assez étonnant, finalement. Est-ce que vous reconnaissez le génie de Proust là-dedans? Je refusais d'abord, et je ne sais pourquoi me raviser. Elle m'envoya chercher une de ces charcuteries onctueuses et charnues appelées rillettes du Mans. Et bientôt, machinalement accablé par la morne journée, la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres le verre de bière où j'avais laissé s'amollir une tartine de rillettes. Je ne change que les mets, finalement. Les mets. Les mets, oui. L'envie d'aimer. Le choix d'aimer. Les cancres où les élèves distraits pratiquaient du Thierry Mogenet sans le savoir. Par exemple, il me semble me souvenir d'une copie d'élève qui s'y croyait citer Blaise Pascal, et ça donnait le silence éternel de ces espaces infinis me fait peur. Évidemment, là, à partir du moment où on remplace m'effraie par me fait peur, aussitôt la phrase devient bancale et se casse la figure. Mais vous faites encore mieux, Thierry Mogenet, parce que vous tendez à notre époque un miroir. Vous écrivez, page 53, afin de soigner son style, Léoto conseillait de supprimer tous les « mais », les « pourtant », les « en effet », les d'ailleurs et les cependant. Mais ces termes se retrouvent pourtant sous la plume des plus grands écrivains. En effet, Balzac usait beaucoup de cependant dans Effet de pourtant. Pourtant, ses romans sont par ailleurs fort bien écrits, mais le auto voulait dire cependant que le pourtant, le d'ailleurs ou l'en effet, pourtant utile par ailleurs, sont en effet du plus mauvais effet lorsqu'un écrivain, pourtant prévenu, en abuse, etc. etc. Et là, on a l'impression d'entendre le flux de certaines émissions de télévision, voire de radio, non ? Oui, mais... Oui, vous avez raison, mais dans l'Henriette de Proust, je me suis contenté d'épingler les plus grands auteurs. J'avais déjà bien affaire avec les grands auteurs de notre patrimoine. Et puis, vous savez, il y a quelque chose d'assez jouissif quand on est un modeste écrivaillon, de s'en prendre à des Maupassant, à des Proust. Et là, c'est pas pour revisiter leur œuvre à ma façon, c'est simplement pour pointer du doigt les plus grandes erreurs, les plus beaux ratés de ces grands auteurs. Alors, parfois, c'est quelque chose d'assez subjectif, parce qu'il est assez difficile, objectivement, de dire que cette phrase est ratée. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une erreur mathématique, celle-ci est objective. Lorsque Maupassant, dans Boule de Suif, écrit « C'était la ville de Tôte, nous avions marché 11 heures », ce qui, avec les 2 heures de repos laissées au cheval, faisait 14. Ce qui est assez étonnant, c'est que depuis plus d'un siècle et demi même, les éditeurs continuent à éditer Boule de Suif avec cette erreur, c'est-à-dire 11 et 2, 14. Et ça, c'est vous qui l'avez repéré ou vous l'avez trouvé dans... Parce que vous n'êtes pas tout à fait le premier, Thierry Mogenet, à chercher des poux dans la crinière d'un lion, comme disait Victor Hugo. Non, je ne suis pas le premier. Ce qui m'a amusé, par contre, c'est de... Bon, ça, je ne l'ai pas noté dans les rillettes, hein, c'était en off. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le making-of du livre. Il y en a en film, il n'y en a pas en livre. C'est-à-dire que dans toutes ces perles d'auteurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y en a énormément qui sont apocryphes. Lorsque vous cherchez perles d'écrivains sur Internet, vous vous rendez compte qu'on attribue beaucoup d'erreurs à des écrivains. Et moi, qui justement travaillais sur ce sujet, je me suis mis en tête de les vérifier. Et notamment, il y en a une des plus célèbres qui circule depuis plusieurs décennies, et même dans des ouvrages sur les perles d'écrivains, qui est cette phrase attribuée à Alexandre Dumas. Ah, fit-il en portugais ? Non, celle-ci est vraie. Ah bon ? Celle-ci est vraie. Non, la plus célèbre, c'est dans le Vicomte de Bragelonne, où Colbert a cette phrase « Vous êtes aussi spirituel, monsieur, que monsieur de Voltaire ». Donc, Colbert n'avait pas pu connaître Voltaire. C'est un magnifique anachronisme. Et bon, moi, j'avais un chapitre sur les anachronismes qui m'intéressait, donc je me suis mis en tête quand même d'aller vérifier. Et j'ai lu de la première à la dernière ligne attentivement le Vicomte de Bragelonne, j'ai envie de dire c'est 800 pages, et je n'ai pas du tout trouvé cette phrase. Alors je suis allé dans une édition très ancienne, je l'ai repris du début à la dernière phrase, je n'ai toujours pas trouvé. Ensuite j'ai trouvé des amis, notamment des amis retraités, qui m'ont dit oh, bah, écoutez, moi j'ai rien de mieux à faire, je vais relire le Vicomte de Bragelonne. Et bon, après 5 ou 6 lectures, finalement cette phrase n'a jamais été écrite par Alexandre Dumas. J'ai trouvé moi-même des perles d'écrivains que j'évoque dans l'Henriette de Proust, mais... Je voudrais en citer une quand même, d'Émile Zola, Comte Zaninon. Alors... Ah oui, de mémoire toujours, parce que je n'ai pas la page. Alors, elle aperçut son pied. Elle aperçut son pied qui riait dans un rayon de soleil. Alors là, c'est un chapitre qui me plaît beaucoup. J'ai une tendresse pour ce chapitre parce que je l'appelle corps de texte. C'est tout simplement l'anatomie rocambolesque de nos grands écrivains. Alors par exemple, nous avons des oreilles dans le dos chez les frères Goncourt, qui dans Germinie d'Acerteux, on trouve, et là c'est vérifié, le dos du cocher était étonné d'entendre pleurer si fort. Voilà. Et après les oreilles dans le dos, on a chez Voltaire les yeux sur le front. Dans ce bel alexandrin, oui. Où son front avili n'osa lever les yeux. Et un tout petit peu plus grivois. Dans l'orphelin de la Chine, voilà, on peut même trouver. Un peu plus grivois, nous avons chez Zola que vous citiez. Il me semble que c'est dans L'argent. L'argent, oui. Cette fripouille de Jean Trou avait gardé sur le cœur les coups de pied au cul que lui allongeait le père de la baronne. Donc là, on a les fesses et le cœur assez proches dans l'anatomie de Zola. Petite objection, je remarque que vous avez une parfaite mémoire, mais ce sont les coups de pied au derrière qu'avait écrit Zola. Les coups de pied au derrière, pardon. Vous l'avez remplacé par un mot un peu plus court. C'est toujours dans cette volonté de faire court que vous prêchez dans votre livre de 110 pages, Thierry Entre Mogenet. Deux mots, toujours choisir le moindre. Voilà. C'est Mallarmé, non ? Non. Dites-moi, je ne l'ai pas mis dans les rillettes. Je devrais le vérifier. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ça, à mon avis, c'est André Gide. Oui, Gide, effectivement. Et je dis Mallarmé parce que dans le jour des Nolos, justement, il le cite dans le chapitre sur Mallarmé, exactement, oui. Et donc, vous avez, comme ça, collectionné, en sachant que vous en feriez un livre. Au début, vous notiez d'une façon solitaire, sinon désespérée, Thierry Mogenet. Non, solitaire et amusé. Aucun désespoir là-dedans, je vous rassure. Solitaire et amusé, non, à l'époque, j'ai voulu être romancier très très jeune. Et donc, la première étape consiste à lire et lire encore sans cesse après avoir lu. Mais non, toutes ces singularités, je les notais. Non, je n'ai pas du tout envie de faire un livre, ça m'amusait simplement. Et c'est après avoir écrit 4 ou 5 romans qu'un beau jour, je dirais presque en panne d'inspiration, je me suis dit, tiens, ça serait assez rigolo de taper sur mes aînés, voilà. Mais non, pendant des années, je n'avais pas cette idée de regrouper tout ça dans un livre. Et vous avez de quoi écrire d'autres livres? Vous annonciez des tomes à venir tout à l'heure. C'était une forme de plaisanterie ou comme dans les musées français, vous avez des réserves inépuisables? Les réserves de la littérature sont effectivement inépuisables. Sinon, si c'est un tome 2, ça ne sera pas exactement la même chose. En fait, j'écris énormément. Je publie peu, mais j'écris énormément. Et dans un second tome, qui ne verra peut-être jamais le jour, je m'amuse à renverser le sujet. C'est-à-dire que l'Henriette de Proust, c'est comment devenir un bon écrivain. Et dans le tome 2, qui existera peut-être un jour, c'est comment devenir un bon lecteur. Et je me pose la question depuis très très longtemps. Quels sont les critères objectifs qui pourraient permettre de définir un bon, ou au moins de discerner un bon d'un mauvais roman? Et je me suis amusé à un jeu très... Enfin, moi, ça m'amuse beaucoup. Vous me direz si ça vous fait rire aussi. Je prends, par exemple, le plus beau paragraphe, le mieux réussi du Club des Cinq, par exemple. Je note ces quelques phrases et ensuite, je vais chez un prix Nobel de littérature, quel qu'il soit, et je note les phrases et les... disons la moins réussie de l'ensemble de l'œuvre. Et je demande ensuite à des amis de comparer ces deux phrases et finalement je m'aperçois que personne n'arrive à discerner le Club des Cinq d'un prix Nobel. Je fais la même chose avec un roman de la collection NRF de Gallimard et un roman de la collection Harlequin. Donc il est toujours très difficile finalement de juger objectivement de la qualité d'un livre. Peut-être c'est plus facile, mais de phrases et de paragraphes c'est assez difficile. Donc je suis plutôt sur cette... sur ce chemin-là en ce moment. Et est-ce que ça vous venge agréablement de la critique, Thierry Mogenet? On les appelle parfois les premiers lecteurs, et ce sont peut-être ceux qui se fourrent le plus tôt et le plus profondément le doigt dans l'œil. Oui, justement, dans les Henriette de Proust, il y a un chapitre consacré justement à ces critiques. Sainte-Beuve, pour ne parler que de lui, l'allégorie de la critique en France, où Sainte-Beuve écrivait justement « Monsieur de Balzac a l'air tout occupé à finir, comme il a commencé, par l'écriture de 100 ouvrages que personne ne lira. » Et c'est vrai qu'en lisant les critiques depuis le 19e siècle, on s'aperçoit qu'il y en a quand même énormément qui se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Vous faites un sort à répétition, si j'ose dire, et c'est un des ressorts de votre livre, Thierry Mogenet, au plagiat, comme si, en définitive, vous pensiez, à l'instar de Paul Valéry, que le lion est fait de moutons assimilés. Oui, le plagiat, c'est mon cheval de bataille. Ça fait des années que je travaille sur le plagiat, et c'est un sujet qui m'amuse beaucoup. Alors, c'est pas une nouveauté, c'est-à-dire qu'on sait que la plupart des auteurs ont plagié volontairement ou non. Alors moi, je m'intéresse surtout aux plagiaires volontaires, et surtout à quelques types particuliers de plagiaires, parce qu'il n'est pas si facile d'être un bon plagiaire. Alors le meilleur plagiaire, sans doute, de l'histoire de la littérature, pour moi, c'est Lamartine. Parce que Lamartine plagiait peu, mais il plagiait les plus beaux vers d'auteurs inconnus. Donc pour être un bon plagiaire, vous parlez de critique, il faut d'abord être un très bon critique, pour vraiment reconnaître le talent là où il est. Et je cite « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », qui a fait la fortune de Lamartine, la gloire de Lamartine, n'est pas de Lamartine, c'est d'un certain Nicolas Germain Léonard, auteur inconnu du XVIIIe siècle. Qui avait écrit « Un seul être me manque », je crois. « Un seul être me manque », voilà. Et quand même, Lamartine a plagié, je pense pas qu'il y ait un remords, mais bon, il a changé de lettre. Mais par contre, il n'a pas changé une virgule à « Autant suspend ton vol qu'il dérobe malicieusement à un certain Antoine Léonard Thomas, auteur tout aussi méconnu que le précédent, et qui a fait aussi la renommée de Lamartine. Alors ça, c'est bon, c'est mon premier plagiaire, coup de chapeau à Lamartine, grand plagiaire. Mais alors, puisqu'on parle de plagiat, on ne peut pas ne pas citer l'Arsène Lupin du plagiat, le roi du plagiat. J'ai cité Stendhal, qui voyage en Italie, ça c'est un secret pour personne, découvre un livre magnifique qui s'appelle « Storia pittorica dell'Italia », Histoire de la peinture italienne, de certain Luigi Lanzi. Il aime ce livre, donc il le traduit de la première à la dernière page. Il rentre en France, il publie donc « Histoire de la peinture italienne », mais un oubli, il oublie totalement d'écrire que le livre a été l'œuvre de Luigi Lanzi, et l'œuvre devient une œuvre de Stendhal. Donc là, c'est un plagiat intégral. C'est magnifique. Et dans les plagiaires, alors là, j'ai quand même une vague sympathie quand même pour Musset, parce que alors lui, il est quand même beaucoup plus retors que les autres, parce que Musset écrit en prose « Voler un mot, une idée en littérature doit être considéré comme un crime ». Puis finalement, il se dit « Je vais aussi l'écrire en vers ». Alors en vers, il écrit « Mon vers n'est pas grand, mais je bois dans mon verre ». Il y a un alexandrin que j'oublie, vous me disiez que j'avais bonne mémoire. Mais enfin, c'est l'idée est celle-ci, hein. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. Et Musset, on trouve sous la plume de Musset ces deux vers. L'honneur est une île escarpée et sans bord, l'on n'y peut plus entrer lorsqu'on est au dehors. Et à la virgule près, ces deux alexandrins sont de Boileau. Donc c'est assez croustillant de voir quelqu'un qui s'attaque au plagiat, qui n'a pas de mots assez durs contre le plagiat et qu'on retrouve la main dans le sac. Et finalement, pour finir sur le plagiat, j'ai envie de dire pour finir enfin, pour un magnifique pléonasme qu'on trouve justement dans l'art poétique de Boileau, oui. Pour finir sur le plagiat, celui qui prenait le moins de risques, c'était Chateaubriand, puisque Chateaubriand avec... Se plagiait soi-même, donc là, il risquait absolument pas de procès. Et des pages entières de l'essai sur les révolutions sont puisées dans le génie du christianisme. Et pour finir enfin par un trait de satire, un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire. Et du reste, le plagiat ne se termine pas de sitôt, si j'ose dire, parce que Charles de Gaulle, annonçant à la France, après les essais de Reagan, qu'il y avait enfin la bombinette, l'arme nucléaire, a eu cette phrase merveilleuse « Notre verre est petit, mais c'est le nôtre ». Donc vous voyez, on retrouve Thierry Mogenet jusqu'à Charles de Gaulle, ses emprunts. Mais alors vous, est-ce que vous êtes enfin, parce que c'est un signe de reconnaissance patent, est-ce que vous êtes tombé sur un plagiaire de Thierry Mogenet ou pas encore ? Oui, effectivement. J'ai publié en 2005 un livre qui s'appelle « Manuscrit à Metz 408 » et qui était le premier ouvrage publié en France sur ce manuscrit Voynich, un manuscrit écrit à la fin du Moyen-Âge, ou peut-être à la Renaissance, puisqu'il n'est pas daté, et qui n'a toujours pas été déchiffré. Hein, c'est 300 pages dans une langue et un alphabet inconnu. Et mon livre commençait au Moyen-Âge par un moine qui avait le manuscrit et qui meurt. Ensuite, l'action rebondit à New York, à l'université de Yale, où un universitaire arrive à déchiffrer le manuscrit et tombe dans le coma. Et 3 ans plus tard, un ouvrage qui s'appelle « La source » de Michael Cordy, j'ai été assez étonné de voir que le premier chapitre, c'est un moine donc, qui a le manuscrit Voynich, donc on est au Moyen-Âge et qui meurt, et que l'action rebondit à l'université de Yale, et l'universitaire qui déchiffre le manuscrit Voynich tombe dans le coma. Et ça va poursuivre comme ça pendant un bon tiers du livre, pour prendre ensuite une direction différente. Alors vous avez pris votre plus belle plume pour non, écrire pas du tout. Au plagiaire, Thierry Mogenet. Non, pas du tout. Je suis très peu procédurier. J'étais même assez flatté que quelqu'un lise mon livre aux États-Unis, parce que mes livres sont publiés dans une quinzaine de pays aujourd'hui, mais pas aux États-Unis. Donc j'étais assez content d'avoir une petite renommée là-bas. Et non, plus flatté que choqué. Donc vous êtes même figurez-vous, la première personne à qui j'en parle publiquement, puisque vous m'avez posé la question, mais j'ai toujours tenu ça sous silence. Ah oui, mais vous savez que France Culture est une sorte de tigre altéré de scoop, enfin de primeur, ou d'exclusivité, voilà, comme on dit en français. Et donc, un scoop, non, ouais, merci beaucoup de nous avoir offert cette primeur Yankee de surcroît. Voilà, oui. Et comme nous sommes à la radio, vous avez dans un chapitre, Thierry Mogenet, insisté sur l'oreille. Vous avez appelé ça le vieillard de l'écriture, en disant qu'il est toujours utile de relire vos textes, puisque vous voyez le lecteur à voix haute. Certaines phrases, une fois prononcées, dévoilent parfois un second sens malencontreux. Voici un échantillon de ce qu'il faut éviter d'écrire, à moins, bien entendu, que l'équivoque ne soit délibéré. Est-ce que votre mémoire vous permet de vous souvenir de ces phrases qui caressent le regard et écorchent les oreilles? Oui, je m'en souviens parce que c'est un peu la figure de proue de cet ouvrage, et d'autres journalistes sont assez... Ils aiment bien la croustillance, disons, de ces erreurs, d'autant plus qu'elles sont assez grivoises. Alors, une qui est très belle, c'est Jean-Baptiste Rousseau, qui, dans son Ode à la postérité, parle d'une vierge qui n'est toujours pas née et en qui tout doit renaître. Alors, il aurait pu écrire « non née encore et en qui tout doit renaître », mais non. Le contraire de l'inspiration, voyez-vous, c'est la conspiration des muses. Et la conspiration des muses a soufflé « vierge non encore née, en qui tout doit renaître ». Et on entend, bien entendu, « vierge non encore née », ce qui n'est pas très, très élégant. Et pareil, mes aventures est arrivé à l'abbé Pellegrin, qui était en même temps ecclésiastique et auteur dramatique, et qui écrit un drame sur Lot, personnage biblique Lot. Et pour dire que Lot a été vaincu par l'amour, la voix passive n'était pas très belle, mais au moins elle n'aurait pas fait passer notre pauvre abbé Pellegrin à la postérité, à son corps défendant. L'abbé Pellegrin a écrit « L'amour a vaincu Lot », ce qui fait beaucoup quand même. Effectivement. Il y a tout un chapitre également sur le mot « juste ». Et vous l'avez illustré d'un inédit. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, Thierry Mogenet ? Alors, le mot juste, c'est quelque chose qui est très sérieux, en fait, parce que si on fait une toute petite parenthèse pour parler d'Henri Michaud, qui écrit un poème, Le Grand Combat, en utilisant que des mots qui n'existent pas, des verbes qui n'existent pas, et pourtant le lecteur comprend tout à fait le sens. Je cite juste deux vers. Le Grand Combat, il l'emparouille d'endosque contre terre, il le rague et le roupette jusqu'à son dral, enfin il l'écorcobalise. Bon, on comprend que c'est un combat, qu'il y en a un qui a le dessus, et pourtant aucun des mots n'existe. Et moi, je m'amuse à faire le contraire. Je me dis, si on écrivait un roman avec des mots qui sont tous dans le dictionnaire, mais que personne ne connaît. Alors on a un roman qui est assez singulier, ça donnerait quelque chose comme « L'abstème marguillé créosotait un chamerops près d'une narse lorsque l'abbé Bastien lui tendit une couque. Le fabricien, qui gardait en mémoire le dernier don du Prestolet, un cotignac au goût d'animal, refusa d'un geste. Puis il lui parla des géos inclinaux et des espaces exondés, selon lui, par des mouvements épéirogéniques. » Voilà, donc tout le roman, je ne sais pas s'il aurait un grand succès, pourtant il est parfaitement écrit avec des mots justes. Et à chaque fois, c'est le mot qui convient exactement. Et cet extrait des Rillettes de Proust, par vous publié aux éditions JBZ et compagnie, Thierry Mogenet, vous le citiez à nouveau de mémoire ? L'avantage de la radio, c'est qu'on peut tricher quand j'ai réussi à trouver la page. C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault avec Thierry Mogenet. Prise de son Thomas Coudreuse. Réalisation Mydia Portis-Guérin. Thank you.